Chapitre 6e. Le soir, comme il la tenait encore dans ses bras, il lui avait dit « Reste ». Mais il s'était dégagé d'un effort. « Je ne peux pas, il faut que je rentre. Alors demain, je t'en prie, reviens demain. Demain non, c'est impossible. Adieu, à bientôt. » Et le lendemain, dès 7 heures, elle était là, rouge du mensonge qu'elle avait fait à Madame Vanzade. Une amie de Clermont qu'elle devait aller chercher à la gare et avec qui elle passerait la journée. Claude, ravi de la posséder ainsi tout un jour, voulut l'emmener à la campagne par un besoin de la voir à lui seul, très loin, sous le grand soleil. Elle fut enchantée. Ils partirent comme des fous, arrivèrent à la gare Saint-Lazare, juste pour sauter dans un train du Havre. Lui connaissait après Mantes un petit village, Benoucourt, où était une auberge d'artistes qu'il avait envahi parfois avec des camarades. Et, sans s'inquiéter des 2 heures de chemin de fer, il la conduisait déjeuner là, comme il l'aurait menée à Asnières. Elle s'égaya beaucoup de ce voyage, qui n'en finissait plus. Tant mieux, si c'était au bout du monde. Il leur semblait que le soir ne devait jamais venir. À 10 heures, ils descendirent à Bonnières. Ils prirent le bac, un vieux bac craquant et filant sur sa chaîne, car Bennecourt se trouve de l'autre côté de la Seine. La journée de mai était splendide, les petits flots se pailletaient d'or au soleil, les jeunes feuillages verdissaient tendrement dans le bleu sans tache, et au-delà des îles, dont la rivière est peuplée en cet endroit, quelle joie que cette auberge de campagne, avec son petit commerce d'épicerie, sa grande salle qui sentait la lessive, sa vaste cour pleine de fumier où barbotaient des canards. « Hé, père Faucheur, nous venons déjeuner. Une omelette, des saucisses, du fromage. Est-ce que vous coucherez, monsieur Claude ? Non, non, une autre fois. Et du vin blanc, hein ? Du petit rose qui gratte la gorge. » Déjà, Christine avait suivi la mère Faucheur dans la basse-cour. Et quand ces derniers revint avec des œufs, elle demanda au peintre, avec son rire sournois de paysanne, « C'est donc que vous êtes marié à cette heure ?»« Dame, » répondit-il rondement, « il le faut bien, puisque je suis avec ma femme. » Le déjeuner fut exquis, l'omelette trop cuite, les saucisses trop grasses, le pain d'une telle dureté qu'il dut lui couper les mouillettes pour qu'elle ne s'abîme pas le poignet. Ils burent 2 bouteilles, en entamèrent une 3e, si gai, si bruyant, qu'ils s'étourdissaient eux-mêmes, dans la grande salle où il mangeait seul. Elle, les joies ardentes, affirmait qu'elle était grise. Jamais ça ne lui était arrivé, et elle trouvait ça drôle, ou aussi drôle, riant à ne plus pouvoir se retenir. « Allons prendre l'air, » dit-elle enfin. « C'est ça, marchons un peu. Nous repartons à 4 heures, nous avons 3 heures devant nous. » Ils remontèrent Bennecourt, qui aligne ses maisons jaunes le long de la berge, sur près de 2 kilomètres. Tout le village était au champ. Ils ne rencontrèrent que 3 bâches conduites par une petite fille. Lui, du geste, expliquait le pays, semblait savoir où il allait. Et quand arrivé à la dernière maison, une vieille bâtisse, plantée sur le bord de la Seine, en face des coteaux de Jeufosse, il en fit le tour, entra dans un bois de chênes, très touffu. C'était le bout du monde qu'il cherchait l'un et l'autre, un gazon d'une douceur de velours, un abri de feuilles où le soleil seul pénétrait en minces flèches de flamme. Tout de suite, leurs lèvres s'unirent dans un baiser avide. Il s'était abandonné, et il l'avait prise, au milieu de l'odeur fraîche des herbes foulées. Longtemps, ils restèrent à cette place, attendris maintenant, avec des paroles rares et basses, occupés de la seule caresse de leur haleine, comme en extase, devant les points d'or qu'ils regardaient luire au fond de leurs yeux bruns. Puis, 2 heures plus tard, quand ils sortirent du bois, ils tressaillirent. Un paysan était là, sur la porte grande ouverte de la maison, et qui paraissait les avoir guettés de ses yeux rapetissés de vieux loups. Elle devint toute rose, tandis que lui criait, pour cacher sa gêne, « Tiens, le père Poirette, c'est donc à vous, la gambuse ?» Alors le vieux raconta avec des larmes que ses locataires étaient partis sans le payer, en lui laissant leurs meubles, et il les invita à entrer. « Vous pouvez toujours voir, peut-être que vous connaissez du monde. Ah, il y en a des Parisiens qui seraient contents. 300 francs par an avec les meubles, n'est-ce pas que c'est pour rien ?» Curieusement, ils le suivirent. C'était une grande lanterne de maison qui semblait taillée dans un hangar. En bas, une cuisine immense, une salle où l'on aurait pu faire danser. En haut, 2 pièces également, si vastes qu'on s'y perdait. Quant aux meubles, ils consistaient en un lit de noyer, dans l'une des chambres, et en une table et des ustensiles de ménage qui garnissaient la cuisine. Mais, devant la maison, le jardin abandonné, planté d'un bricotier magnifique, se trouvait envahi de rosiers géants couverts de roses. tandis que derrière, allant jusqu'au bois de chêne, il y avait un petit champ de pommes de terre enclos d'une haie vive. « Je laisserai les pommes de terre, » dit le père Poirette. Claude et Christine s'étaient regardés dans un de ces brusques désirs de solitude et d'oubli qui alanguissent les amants. « Ah, que ce serait bon de s'aimer là, au fond de ce trou, si loin des autres !» Mais ils sourirent. Est-ce qu'ils pouvaient ? Ils avaient à peine le temps de reprendre le train pour rentrer à Paris. Et le vieux paysan, qui était le père de Madame Faucheur, les accompagna le long de la berge. Puis, comme ils montaient dans le bac, il leur cria, après tout un combat intérieur, « Vous savez, ce sera 250 francs. Envoyez-moi du monde !» À Paris, Claude accompagna Christine jusqu'à l'hôtel de Madame Vanzade. Ils étaient devenus très tristes. Ils échangèrent une longue poignée de main, désespérés et muettes, n'osant s'embrasser. Une vie de tourment commença. En 15 jours, elle ne put venir que 3 fois. Et elle accourait, essoufflée, n'ayant que quelques minutes à elle, car justement la vieille dame se montrait exigeante. Lui la questionnait, inquiet de la voir pâlie, énervée, les yeux brillants de fièvre. Jamais elle n'avait tant souffert de cette maison pieuse, de ce caveau, sans air et sans jour, où elle se mourait d'ennui. Ses étourdissements l'avaient reprise. Le manque d'exercice faisait battre le sang à ses tempes. Elle lui avoua qu'elle s'était évanouie un soir dans sa chambre, comme tout d'un coup étranglée par une main de plomb. Il n'avait pas de paroles mauvaises contre sa maîtresse. Elle s'attendrissait, au contraire. Une pauvre créature, si vieille, si infirme, si bonne, qu'il l'appelait sa fille. Cela lui coûtait comme une vilaine action chaque fois qu'elle l'abandonnait pour courir chez son amant. 2 semaines encore se passèrent. Les mensonges dont elle devait payer chaque heure de liberté lui devinrent intolérables. Maintenant, c'était frémissant de honte qu'elle rentrait dans cette maison rigide, où son amour lui semblait une tâche. Elle s'était donnée, elle aurait crié tout haut, et son honnêteté se révoltait à cacher cela comme une faute, à mentir bassement, ainsi qu'une servante qui craint un renvoi. Enfin, un soir, dans l'atelier, au moment où elle partait une fois encore, Christine se jeta entre les bras de Claude, éperdument, sanglotant de souffrance et de passion. « Ah, je ne peux pas, je ne peux pas. Garde-moi donc, empêche-moi de retourner là-bas. » Il l'avait saisie, il l'embrassait à l'étouffer. « Bien vrai, tu m'aimes. Oh, cher amour, mais je n'ai rien, moi. Et tu perdrais tout. Est-ce que je puis tolérer que tu te dépouilles ainsi ?» Elle sanglota plus fort, ses paroles bégayées se brisaient dans ses larmes. « Son argent, n'est-ce pas ? Ce qu'elle me laisserait. Tu crois donc que je calcule? Jamais je n'y ai songé, je te le jure. Ah, qu'elle garde tout et que je sois libre. Moi, je ne tiens à rien ni à personne. Je n'ai aucun parent. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux? Je ne demande point que tu m'épouses. Je demande seulement à vivre avec toi. » Puis, dans un dernier sanglot de torture, « Ah, tu as raison. C'est mal de l'abandonner, cette pauvre femme. Ah, je me méprise. Je voudrais avoir la force. Mais je t'aime trop, je souffre trop, je ne peux pourtant pas en mourir. Reste, reste, cria-t-il, et que ce soit les autres qui meurent, il n'y a que nous deux. » Il l'avait assise sur ses genoux, tous deux pleuraient et riaient, en jurant au milieu de leurs baisers qu'ils ne se sépareraient jamais, jamais plus. Ce fut une folie. Christine quitta brutalement Madame Vanzade, emporta sa malle dès le lendemain. Tout de suite, Claude et elle avaient évoqué la vieille maison déserte de Bennecourt, les rosiers géants, les pièces immenses. Ah, partir, partir sans perdre une heure, vivre au bout de la terre, dans la douceur de leur jeune ménage. Elle, joyeuse, battait des mains. Lui, saignant encore de son échec du salon, ayant le besoin de se reprendre, aspirait à ce grand repos de la bonne nature. Et il aurait là-bas le vrai plein air. Il travaillerait dans l'herbe jusqu'au cou. Il rapporterait des chefs-d'œuvre. En 2 jours, tout fut prêt, le congé de l'atelier donné, les 4 meubles portés au chemin de fer. Une chance heureuse leur était advenue, une fortune, 500 francs payés par le père Malgras pour un lot d'une 20aine de toiles qu'il avait triées au milieu des épaves du déménagement. Ils allaient vivre comme des princes. Claude avait sa rente de 1000 francs, Christine apportait quelques économies, un trousseau, des robes. Et ils se sauvèrent, une véritable fuite. Les amis évités, pas même prévenus par une lettre, Paris dédaigné et lâché avec des rires de soulagement. Juin s'achevait. Une pluie torrentielle tomba pendant la semaine de leur installation. Et ils découvrirent que le père Poirette, avant de signer avec eux, avait enlevé la moitié des ustensiles de cuisine. Mais la désillusion restait sans prise. Il pataugeait avec délice sous les averses. Il faisait des voyages de 3 lieues jusqu'à Vernon, projetait des assiettes et des casseroles qu'il rapportait en triomphe. Enfin, ils furent chez eux, n'occupant aucune des 2 chambres, abandonnant l'autre souris, transformant en bas la salle à manger en un vaste atelier, surtout heureux, amusés comme des enfants, de manger dans la cuisine sur une table de sapin près de l'âtre où chantait le pot-au-feu. Ils avaient pris pour les servir une fille du village qui venait le matin et s'en allait le soir, Mélie, une nièce des faucheurs, dont la stupidité les enchantait. Non, on n'en aurait pas trouvé une plus belle dans tout le département. Le soleil ayant reparu, des journées adorables se suivirent, les mois coulèrent dans une félicité monotone. Jamais ils ne savaient la date, et ils confondaient tous les jours de la semaine. Le matin, ils s'oubliaient très tard au lit, malgré les rayons qui ensanglantaient les murs blanchis de la chambre, à travers les fentes des volets. Puis, après le déjeuner, c'était des flâneries sans fin, de grandes courses sur le plateau planté de pommiers, par des chemins herbus de campagne, des promenades le long de la Seine, au milieu des prés, jusqu'à la Roche-Guyon, des explorations plus lointaines, de véritables voyages de l'autre côté de l'eau, dans les champs de blé de Bonnières et de Jeufosse. Un bourgeois, forcé de quitter le pays, leur avait vendu un vieux canot 30 francs. Ils avaient aussi la rivière. Ils s'étaient pris pour elle d'une passion de sauvage, y vivant des jours entiers, naviguant, découvrant des terres nouvelles, restant cachés sous les saules des berges, dans les petits bras noirs d'ombre. Entre les îles semées au fil de l'eau, il y avait toute une cité mouvante et mystérieuse, un lacis de ruelles par lesquelles ils filaient doucement, frôlés de la caresse des branches basses, seul au monde, avec les ramiers et les martins pêcheurs. Lui, parfois, devait sauter sur le sable, les jambes nues, pour pousser le canot. Elle, vaillante, maniait les rames, voulait remonter les courants les plus durs, glorieuse de sa force. Et le soir, ils mangeaient des soupes aux choux dans la cuisine. Ils riaient de la bêtise de Mélie, dont ils avaient ri la veille. Puis, dès 9 heures, ils étaient au lit, dans le vieux lit de Noyer, vaste à y loger une famille, et où ils faisaient leurs 12 heures, jouant dès l'aube à se jeter les oreillers, puis se rendormant, leurs bras à leur cou. Chaque nuit, Christine disait « Maintenant, mon chéri, tu vas me promettre une chose, c'est que tu travailleras demain. » « Oui, demain, je te le jure. Et tu sais, je me fâche cette fois. Est-ce que c'est moi qui t'empêche ?»« Toi, quelle idée, puisque je suis venu pour travailler, que diable, demain, tu verras. » Le lendemain, il repartait en canot. Elle-même le regardait avec un sourire gêné, quand elle le voyait n'emporter ni toile ni couleur. Puis elle l'embrassait en riant, fière de sa puissance, touchée de ce continuel sacrifice qu'il lui faisait. Et c'était de nouvelles remontrances attendries. Oh, demain, demain, elle l'attacherait plutôt devant sa toile. Claude, cependant, fit quelques tentatives de travail. Il commença une étude du coteau de Jeufosse, avec la Seine au premier plan. Mais dans l'île où il s'était installé, Christine le suivait, s'allongeait sur l'air près de lui, les lèvres entrouvertes, les yeux noyés au fond du bleu. Il était si désirable dans ses verdures, dans ce désert où seuls passaient les voix murmurant de l'eau, qu'il lâchait sa palette à chaque minute, couché près d'elle, tous les 2 anéantis et bercés par la terre. Une autre fois, au-dessus de Bennecourt, une vieille ferme le séduisit, abritée de pommiers antiques qui avaient grandi comme des chênes. 2 jours de suite, il y vint. Seulement, le 3e, elle l'emmena au marché de Bonnières pour acheter des poules. La journée suivante fut encore perdue. La toile avait séché. Il s'impatienta à la reprendre et finalement l'abandonna. Pendant toute la saison chaude, il n'eut ainsi que des velléités, des bouts de tableau ébauchés à peine, quittés au moindre prétexte, sans un effort de persévérance. Sa passion de travail, cette fièvre de jadis qui le mettait debout dès l'aube, bataillant contre la peinture rebelle, semblait s'en être allé, dans une réaction d'indifférence et de paresse. Et, délicieusement, comme après les grandes maladies, il végétait, il goûtait la joie unique de vivre par toutes les fonctions de son corps. Aujourd'hui, Christine seule existait. C'était elle qui l'enveloppait de cette haleine de flamme où s'évanouissaient ses volontés d'artiste. Depuis le baiser ardent, irréfléchi, qu'elle lui avait posé aux lèvres la première, une femme était née de la jeune fille, l'amante qui se débattait chez la Vierge, qui gonflait sa bouche et l'avançait dans la carrure du menton. Elle se révélait ce qu'elle devait être, malgré sa longue honnêteté. Une chair de passion, une de ces chairs sensuelles, si troublantes, quand elles se dégagent de la pudeur où elles dorment. D'un coup, et sans maître, elle savait l'amour. Elle y apportait l'emportement de son innocence. Et, elle, ignorante jusque-là, lui, presque neuf encore, faisant ensemble les découvertes de la volupté, s'exaltait dans le ravissement de cette initiation commune. Il s'accusait de son ancien mépris. Fallait-il être sot de dédaigner en enfant des félicités qu'on n'avait pas vécues? Désormais, toute sa tendresse de la chair de la femme, cette tendresse dont il épuisait autrefois le désir dans ses œuvres, ne le brûlait plus que pour ce corps vivant, souple et tiède, qui était son bien. Il avait cru aimer les jours frisant sur les gorges de soie, les beaux tons d'ambre pâle qui dorent la rondeur des hanches, le modelé douillet des ventres purs. Quelle illusion de rêveur! À cette heure seulement, il le tenait à plein bras, ce triomphe de posséder son rêve. Toujours fuyant jadis sous sa main puissante de peintre, elle se donnait entière, il la prenait, depuis sa nuque jusqu'à ses pieds, il la serrait d'une étreinte à la faire sienne, à l'entrée au fond de sa propre chair. Et elle, ayant tué la peinture, heureuse d'être sans rival, prolongeait les noces. Au lit, le matin, c'étaient ses bras ronds, ses jambes douces, qui le gardaient si tard, comme liés par des chaînes, dans la fatigue de leur bonheur. En canot, lorsqu'elle ramait, il se laissait emporter sans force, ivre, rien qu'à regarder le balancement de ses reins. Sur l'herbe des îles, les yeux au fond de ses yeux, il restait en extase des journées, absorbé par elle, vidé de son cœur et de son sang, et toujours et partout il se possédait, avec le besoin inassouvi de se posséder encore. Une des surprises de Claude était de la voir rougir pour le moindre gros mot qui lui échappait. Les jupes rattachées, elle souriait d'un air de gêne, détournait la tête aux allusions gaillardes. Elle n'aimait pas ça, et à ce propos, un jour, ils se fâchèrent presque. C'était, derrière leur maison, dans le petit bois de chêne, où ils allaient parfois, en souvenir du baiser qu'ils y avaient échangé lors de leur première visite à Bénoncourt. Lui, travaillé d'une curiosité, l'interrogeait sur sa vie de couvent. Il la tenait à la taille, la chatouillait de son souffle, derrière l'oreille, en tâchant de la confesser. Que savait-elle de l'homme là-bas? Qu'en disait-elle avec ses amis? Quelle idée se faisait-elle de ça? Voyons, mon Mimi, conte-moi un peu, est-ce que tu te doutais? Mais elle, avec son rire mécontent, elle essayait de se dégager. Es-tu bête? Laisse-moi donc, à quoi ça t'arrange-t-il? Ça m'amuse. Alors, tu savais? Elle eut un geste de confusion, les joues envahies de rougeur. Mon Dieu, comme les autres, des choses. Puis, en se cachant la face contre son épaule, on est bien étonné tout de même. Il éclata de rire, la serra follement, la couvrit d'une pluie de baisers. Mais quand il crut l'avoir conquise et qu'il voulut obtenir ses confidences, ainsi que d'un camarade qui n'a rien à cacher, il s'échappa en phrases fuyantes, elle finit par bouder, muette, impénétrable. Et jamais elle n'en avoua plus long, même à lui qu'elle adorait. Il y avait là ce fond que les plus franches gardent, cet éveil de leur sexe, dont le souvenir demeure enseveli et comme sacré. Elle était très femme, elle se réservait en se donnant toute. Pour la première fois ce jour-là, Claude sentit qu'il restait étranger. Une impression de glace, le froid d'un autre corps, l'avait saisi. Est-ce que rien de l'un ne pouvait donc pénétrer dans l'autre quand ils s'étouffaient entre leurs bras éperdus, avides d'étreindre toujours davantage, au-delà même de la possession? Les jours passaient cependant, et elle ne souffrait point de la solitude. Aucun besoin d'une distraction, d'une visite à faire ou à recevoir, ne les avait encore sortis d'eux-mêmes. Les heures qu'il ne vivait pas près de lui à son cou, elle les employait en ménagères bruyantes, bouleversant la maison par de grands nettoyages que Mélie devait exécuter sous ses yeux, ayant des fringales d'activité qui la faisaient se battre en personne contre les trois casseroles de la cuisine. Mais le jardin surtout l'occupait. Elle abattait des moissons de roses sur les rosiers géants, armés d'un sécateur, les mains déchirées par les épines. Elle s'était donné une courbature à vouloir cueillir les abricots, dont elle avait vendu la récolte 200 francs aux Anglais qui battent le pays chaque année, et en tirait une vanité extraordinaire. Elle rêvait de vivre des produits du jardin. Lui mordait moins à la culture. Il avait mis son divan dans la vaste salle, transformée en atelier, Il s'y allongeait pour la regarder semer et planter par la fenêtre grande ouverte. C'était une paix absolue, la certitude qu'il ne viendrait personne, que pas un coup de sonnette ne le dérangerait, à aucun moment de la journée. Il poussait si loin cette peur du dehors qu'il évitait de passer devant l'auberge des faucheurs, dans la continuelle crainte de tomber sur une bande de camarades débarqués de Paris. De tout l'été, pas une âme ne se montra. Il répétait chaque soir, en montant se coucher, que tout de même, c'était une rude chance. Une seule plaie secrète saignait au fond de cette joie. Après la fuite de Paris, Sandoz, ayant su l'adresse et ayant écrit, demandant s'il pouvait aller le voir, Claude n'avait pas répondu. Une brouille s'en était suivie, et cette vieille amitié semblait morte. Christine s'en désolait, car elle sentait bien qu'il avait rompu pour elle. Continuellement, elle en parlait, ne voulant pas le fâcher avec ses amis, exigeant qu'il les rappelât. Mais, s'il promettait d'arranger les choses, il n'en faisait rien. C'était fini. À quoi bon revenir sur le passé? Vers les derniers jours de juillet, l'argent devenant rare, il dut se rendre à Paris pour vendre au père Malgras une demi-douzaine d'anciennes études. Et en l'accompagnant à la gare, elle lui fit jurer d'aller serrer la main à Sandoz. Le soir, elle était là de nouveau, devant la station de Bonnières qui l'attendait. « Eh bien, l'as-tu vu? Vous vous êtes embrassé ?» Il se mit à marcher près d'elle, muet d'embarras, puis d'une voix sourde. « Non, je n'ai pas eu le temps. » Alors elle dit, navrée, tandis que deux grosses larmes noyaient ses yeux, « Tu me fais beaucoup de peine. » Et comme ils étaient sous les arbres, il la baisa au visage, en pleurant lui aussi, en la suppliant de ne pas augmenter son chagrin. Est-ce qu'il pouvait changer la vie? N'était-ce point assez déjà d'être heureux ensemble? Pendant ces premiers mois, ils firent une seule rencontre. C'était au-dessus de Bennecourt, remontant du côté de la Roche-Guyon. Ils suivirent un chemin désert et boisé, un de ces délicieux chemins creux, lorsqu'à un détour, ils tombèrent sur trois bourgeois en promenade, le père, la mère et la fille. Justement, se croyant bien seul, il s'était pris à la taille, en amoureux qui s'oublie derrière les haies. Elle, ployée, abandonnait ses lèvres. Lui, rieur, avançait les siennes. Et la surprise fut si vive qu'ils ne se dérangèrent point, toujours liés d'une étreinte, marchant du même pas ralenti. Saisie, la famille restait collée contre un des talus, le père gros et apoplectique, la mère d'une maigreur de couteau, la fille réduite à rien, déplumée comme un oiseau malade, tous les trois laids et pauvres du sang vicié de leur race. Ils étaient une honte, en pleine vie de la terre, sous le grand soleil. Et soudain, la triste enfant qui regardait passer l'amour avec des yeux stupéfaits fut poussée par son père, emmenée par sa mère, hors d'eux, exaspérée de ce baiser libre, demandant s'il n'y avait donc plus de police dans la campagne. Tandis que, toujours sans hâte, les deux amoureux s'en allaient triomphants dans leur gloire. Claude pourtant s'interrogeait, la mémoire hésitante. Où diable avait-il vu ces têtes-là, cette déchéance bourgeoise, ces faces déprimées et tassées qui suaient les millions gagnés sur le pauvre monde? C'était assurément dans une circonstance grave de sa vie. Et il se souvint. Il reconnut les Margaillan, cet entrepreneur que Dubuche promenait au salon des refusés et qui avait ri, devant son tableau, d'un rire tonnant d'imbécile. 200 pas plus loin, comme il débouchait avec Christine du chemin creux et qu'il se trouvait en face d'une vaste propriété, une grande bâtisse blanche entourée de beaux arbres, ils apprirent qu'une vieille paysanne que la Richaudière, comme on la nommait, appartenait au Margaillan depuis 3 années. Il l'avait payé 1 500 000 francs, et il venait y faire des embellissements pour plus d'un million. « Voilà un connu pays où l'on ne reprendra guère, » dit Claude en redescendant vers Bennecourt. « Il gâte le paysage, ces monstres. » Mais, dès le milieu d'août, un gros événement changea leur vie. Christine était enceinte et elle ne s'en apercevait qu'au 3e mois, dans son insouciance d'amoureuse. Ce fut d'abord une stupeur pour elle et pour lui, jamais il n'avait songé que cela pût arriver. Puis ils se raisonnèrent, sans joie pourtant, lui troublé de ce petit être qui allait venir compliquer l'existence, elle, saisie d'une angoisse qu'elle ne s'expliquait pas, comme si elle eût craint que cet accident-là ne fût la fin de leur grand amour. Elle pleura longtemps à son cou. Il tâchait vainement de la consoler, étranglée de la même tristesse sans nom. Plus tard, quand ils se furent habitués, ils s'attendrirent sur le pauvre petit qu'ils avaient fait sans le vouloir, le jour tragique où elle s'était livrée à lui, dans les larmes, sous le crépuscule navré qui noyait l'atelier. Les dates y étaient. Ce serait l'enfant de la souffrance et de la pitié, souffleté à sa conception du rire bête des foules. Et dès lors, comme il n'était pas méchant, ils l'attendirent, le souhaitèrent même, s'occupant déjà de lui et préparant tout pour sa venue. L'hiver eut des froids terribles. Christine fut retenue par un grand rhume dans la maison mal close qu'on ne parvenait pas à chauffer. Sa grossesse lui causait de fréquents malaises, elle restait accroupie devant le feu. Elle était obligée de se fâcher pour que Claude sortît sans elle, fit de longues marches sur la terre gelée et sonore des routes. Et lui, pendant ses promenades, en se retrouvant seul après des mois de continuelle existence à deux, s'étonnait de la façon dont avait tourné sa vie en dehors de sa volonté. Jamais il n'avait voulu ce ménage, même avec elle. Il en aurait eu l'horreur si on l'avait consulté. Et ça s'était fait cependant, et ça n'était plus à défaire. Car sans parler de l'enfant, il était de ceux qui n'ont point le courage de rompre. Évidemment, cette destinée l'attendait. Il devait s'en tenir à la première qui n'aurait pas honte de lui. La terre dure sonnait sous ses galoches. Le vent glacial figeait sa rêverie, attardé à des pensées vagues, à sa chance d'être tombé du moins sur une fille honnête, à tout ce qu'il aurait souffert de cruel et de sale s'il s'était mis avec un modèle, là, de rouler les ateliers. Et il était repris de tendresse. Il se hâtait de rentrer pour serrer Christine de ses deux bras tremblants. Comme s'il avait failli la perdre, déconcerté seulement lorsqu'elle se dégageait en poussant un cri de douleur. « Oh, pas si fort, tu me fais du mal !» Elle portait les mains à son ventre et lui regardait ce ventre, toujours avec la même surprise anxieuse. L'accouchement eut lieu vers le milieu de février. Une sage-femme était venue de Vernon, tout marcha très bien. La mère fut sur pied au bout de 3 semaines, l'enfant, un garçon, très fort, tétait si goulûment qu'il devait se lever jusqu'à 5 fois la nuit pour l'empêcher de crier et de réveiller son père. Dès lors, le petit être révolutionna la maison, car elle, si active ménagère, se montra nourrice très maladroite. La maternité ne poussait pas en elle, malgré son bon cœur et ses désolations au moindre bobo. Elle se lassait, se rebutait tout de suite, appelait Mélie, qui aggravait les embarras par sa stupidité béante. Et il fallait que le père accourût l'aider, plus gêné encore que les deux femmes. Son ancien malaise à coudre, son inaptitude aux travaux de son sexe, reparaissait dans les soins que réclamait l'enfant. Il fut assez mal tenu. Il s'éleva un peu à l'aventure, au travers du jardin et des pièces laissant des ordres de désespoir, encombrés de langes, de jouets cassés, de l'ordure et du massacre d'un petit monsieur qui fait ses dents. Et quand les choses se gâtaient par trop, elle ne savait que se jeter aux bras de son cher amour. C'était son refuge, cette poitrine de l'homme qu'elle aimait, l'unique source de l'oubli et du bonheur. Elle n'était qu'amante. Elle aurait donné 20 fois le fils pour l'époux. Une ardeur même l'avait reprise après la délivrance, une sève remontante d'amoureuse qui se retrouve, avec sa taille libre, sa beauté refleurie. Jamais sa chair de passion ne s'était offerte dans un tel frisson de désir. Ce fut l'époque, cependant, où Claude se remit un peu à peindre. L'hiver finissait, il ne savait à quoi employer les gaies matinées de soleil, depuis que Christine ne pouvait sortir avant midi à cause de Jacques, le gamin qu'ils avaient nommé ainsi, du nom de son grand-père maternel, en négligeant du reste de le faire baptiser. Ils travaillèrent dans le jardin, d'abord par désœuvrement, fit une pocha de l'allée d'abricotier, ébaucha les rosiers géants, composa des natures mortes, 4 pommes, une bouteille et un pot de grès sur une serviette. C'était pour se distraire. Puis il s'échauffa. L'idée de peindre une figure habillée en plein soleil finit par le hanter. Et de ce moment, sa femme fut sa victime, d'ailleurs complaisante, heureuse de lui faire un plaisir, sans comprendre encore quelle rivale terrible elle se donnait. Il la peignit à 20 reprises, vêtue de blanc, vêtue de rouge au milieu des verdures, debout ou marchant, à demi allongée sur l'herbe, coiffée d'un grand chapeau de campagne, tête nue sous une ombrelle, dont la soie cerise baignait sa face d'une lumière rose. Jamais il ne se contentait pleinement. Il grattait les toiles au bout de 2 ou 3 séances, recommençait tout de suite, s'entêtant au même sujet. Quelques études, incomplètes, mais d'une notation charmante dans la vigueur de leur facture, furent sauvées du couteau à palette et pendues au mur de la salle à manger. Et, après Christine, ce fut Jacques qui lui posait. On le mettait nu comme un petit Saint-Jean, on le couchait par les journées chaudes sur une couverture, et il ne fallait plus qu'il bougeât, mais c'était le diable. Égayé, chatouillé par le soleil, il riait, il gigotait, ses petits pieds roses en l'air, se roulant, culbutant, le derrière par-dessus la tête. Le père, après avoir ri, se fâchait, jurait contre ce sacré mioche qui ne pouvait pas être sérieux une minute. Est-ce qu'on plaisantait avec la peinture? Alors la mère, à son tour, faisait les gros yeux, maintenant le petit pour que le peintre attrapa au vol le dessin d'un bras ou d'une jambe. Pendant les semaines, il s'obstina, tellement les tons si jolis de cette chair d'enfance le tentaient. Il ne le couvait plus que de ses yeux d'artiste, comme un motif à chef-d'œuvre, clignant les paupières, rêvant le tableau. Et il recommençait l'expérience. Il le guettait des jours entiers, exaspéré que ce polisson-là ne voulait pas dormir aux heures où l'on aurait pu le peindre. Un jour que Jacques sanglotait en refusant de tenir la pose, Christine dit doucement « Mon ami, tu le fatigues, ce pauvre mignon !» Alors Claude s'emporta, plein de remords. « Tiens, c'est vrai, je suis stupide avec ma peinture. Les enfants, ce n'est pas fait pour ça. » Le printemps et l'été se passèrent encore dans une grande douceur. On sortait moins. On avait presque délaissé le canot qui achevait de se pourrir contre la berge. Car c'était toute une histoire que d'emmener le petit dans les îles. Mais on descendait souvent à pas ralenti le long de la Seine, sans jamais s'écarter à plus d'un kilomètre. Lui, fatigué des éternels motifs du jardin, tentait maintenant des études au bord de l'eau. Et ces jours-là, elle allait le chercher avec l'enfant, s'asseyait pour le regarder peindre, en attendant de rentrer languissamment tous les trois, sous la cendre fine du crépuscule. Un après-midi, il fut surpris de la voir apporter son ancien album de jeune fille. Elle en plaisanta, elle expliqua que ça réveillait des choses en elle, d'être là, derrière lui. Sa voix tremblait un peu. La vérité est qu'elle éprouvait le besoin de se mettre de moitié dans sa besogne, depuis que cette besogne le lui enlevait davantage chaque jour. Elle dessina, risqua deux ou trois aquarelles, d'une main soigneuse de pensionnaire. Puis, découragée par ses sourires, sentant bien que la communion ne se faisait pas sur ce terrain, elle lâcha de nouveau son album, en le forçant à promettre qu'il lui donnerait des leçons de peinture plus tard quand il aurait le temps. D'ailleurs, elle trouvait très jolies ses dernières toiles. Après cette année de repos en pleine campagne, en pleine lumière, il peignait avec une vision nouvelle, comme éclaircie, d'une gaieté de ton chantante. Jamais encore, il n'a vu cette science des reflets, cette sensation si juste des êtres et des choses baignant dans la clarté diffuse. Et désormais, elle aurait déclaré cela absolument bien, gagné par ce régal de couleurs, s'il avait voulu finir davantage, et s'il n'était resté interdite parfois, devant un terrain lilas ou devant un arbre bleu, qui déroutait toutes ses idées arrêtées de coloration. Un jour, qu'elle osait se permettre une critique, précisément à cause d'un peuplier lavé d'azur, il avait fait constater sur la nature même ce bleuissement délicat des feuilles. C'était vrai pourtant, l'arbre était bleu. Mais au fond, elle ne se rendait pas, condamnait la réalité. Il ne pouvait y avoir des arbres bleus dans la nature. Elle ne parla plus que gravement des études qu'il accrochait au mur de la salle. L'art rentrait dans leur vie, et l'en demeurait toute songeuse. Quand elle le voyait partir avec son sac, sa pique et son parasol, il lui arrivait de se pendre d'un élan à son cou. « Tu m'aimes, dis. Es-tu bête? Pourquoi veux-tu que je ne t'aime pas? Alors embrasse-moi comme tu m'aimes, bien fort, bien fort. » Puis, l'accompagnant jusque sur la route, « Et travaille. Tu sais que je ne t'ai jamais empêché de travailler. Bah, je suis contente lorsque tu travailles. » Une inquiétude parut s'emparer de Claude lorsque l'automne de cette seconde année fit jaunir les feuilles et ramena les premiers froids. La saison fut justement abominable. 15 jours de pluie torrentielle le retint oisif à la maison. Ensuite, les brouillards vinrent à chaque instant contrarier ses séances. Il restait assombri devant le feu, il ne parlait jamais de Paris, mais la ville se dressait là-bas, à l'horizon, la ville d'hiver avec son gaz qui flambait dès 5 heures, ses réunions d'amis se fouettant d'émulation, sa vie de production ardente, que même les classes de décembre ne ralentissaient pas. En un mois, il s'y rendit à 3 reprises, sous le prétexte de voir Malgras, auquel il avait encore vendu quelques petites toiles. Maintenant, il n'évitait plus de passer devant l'auberge des faucheurs. Il se laissait même arrêter par le Poirette, acceptait un verre de vin blanc, et ses regards fouillaient la salle comme s'il eût cherché, malgré la saison, des camarades d'autrefois, tombés là du matin. Il s'attardait dans l'attente, puis, désespéré de solitude, il rentrait étouffant de tout ce qui bouillonnait en lui, malade de n'avoir personne pour crier ce dont éclatait son crâne. L'hiver s'écoula pourtant, et Claude eut la consolation de peindre quelques beaux effets de neige. Une troisième année commençait, lorsque dans les derniers jours de mai, une rencontre inattendue l'émotionna. Il était ce matin-là monté sur le plateau pour chercher un motif, les bords de la Seine ayant fini par le lasser. Il resta stupide au détour d'un chemin devant Dubuche qui s'avançait entre deux haies de sureaux coiffées d'un chapeau noir pincé correctement dans sa redingote. « Comment, c'est toi ?» L'architecte bégaya de contrariété. « Oui, je viens faire une visite. Hein, c'est joliment bête à la campagne, mais que veux-tu? On est forcé à déménagement. Et toi, tu habites par ici ?» Je le savais. C'est-à-dire non, on m'avait bien appris quelque chose comme ça, mais je croyais que c'était de l'autre côté, plus loin. Claude, très remué, le tira d'embarras. « Bon, bon, mon vieux, tu n'as pas t'excuser, c'est moi le plus coupable. Ah, qu'il y a donc longtemps qu'on ne s'est vu, si je te disais le coup que j'ai reçu au cœur quand on est à déboucher des feuilles. » Alors il lui prit le bras, il l'accompagna en ricanant de plaisir, et l'autre, dans la continuelle préoccupation de sa fortune qui le faisait parler de lui sans cesse, se mit tout de suite à causer de son avenir. Il venait de passer l'ève de première classe à l'école, après avoir décroché avec une peine infinie les mentions réglementaires. Mais ce succès le laissait perplexe. Ses parents ne lui envoyaient plus un sou, pleurant misère, pour qu'il les soutât à son tour. Il avait renoncé au prix de Rome, certain d'être battu, pressé de gagner sa vie. Et il était là déjà, écœuré de faire la place, gagner 1,25 franc de l'heure chez des architectes ignorants, qui le traitaient en manœuvre. Quelle route choisir? Où prendre le plus court chemin? Il quitterait l'école. Il aurait un bon coup d'épaule de son patron, le puissant de Carsonnière, dont il était aimé pour sa docilité d'élève piocheur. Seulement, que de peine encore, que d'inconnu devant lui. Il se plaignait avec amertume de ces écoles du gouvernement, où l'on trimait tant d'années, et qui n'assura même pas une position à tous ceux qu'elle jetait sur le pavé. Brusquement, il s'arrêta au milieu du sentier, les haies de sureau débouchant en pleine rase, et la richesse d'air apparaissait au milieu de ces grands arbres. « Tiens, c'est vrai !» s'écria Claude. « Je n'avais pas compris. Tu vas dans cette baraque. »« Ah, les magots, ont-ils de sales têtes ?» Dubuche, l'air vexé de ce cri d'artiste, protesta d'un air gourmé. « N'empêche que le père Margaillan, tout crétin qu'il te semble, est un fier homme dans sa partie. Il faut le voir sur ses chantiers, au milieu de ses bâtisses, une activité du diable, un sens étonnant de la bonne administration. » Un flair merveilleux des rues à construire et des matériaux à acheter. Du reste, on ne gagne pas des millions sans être un monsieur. Et puis, pour ce que je veux faire de lui, moi, je serais bien bête de n'être pas poli à l'égard d'un homme qui peut m'être utile. Tout en parlant, il barrait les trois chemins, il empêchait son ami d'avancer, sans doute par crainte d'être compromis si on les voyait ensemble, et pour lui faire entendre qu'il devait se séparer là. Claude allait l'interroger sur les camarades de Paris, mais il se tut. Pas un mot de Christine ne fut même prononcé. Il se résigna à le quitter, et il tendait la main lorsque cette question sortit malgré lui de ses lèvres tremblantes. « Sandoz va bien ?»« Oui, pas mal. Je le vois rarement. Il m'a encore parlé de toi le mois dernier. Il est toujours désolé que tu nous aies mis à la porte. »« Mais je ne vous ai pas mis à la porte !» cria Claude hors de lui. « Mais je vous en supplie, venez me voir, je serai si heureux. »« Alors c'est ça, nous viendrons. Je lui dirai de venir, parole d'honneur. » « Adieu, adieu, mon vieux, je suis pressé. » Et Dubuche s'en alla vers la Richaudière, et Claude le regarda qui se rapetissait au milieu des cultures, avec la soie luisante de son chapeau et la tache noire de sa redingote. Il rentra lentement, le cœur gros d'une tristesse sans cause. Il ne dit rien à sa femme de cette rencontre. 8 jours plus tard, Christine était allée chez les faucheurs acheter une livre de vermicelle, et elle s'attardait au retour, elle causait avec une voisine, son enfant au bras, lorsqu'un monsieur, qui descendait du bac, s'approcha et lui demanda « Monsieur Claude Lantier, c'est par ici, n'est-ce pas ?» Elle resta saisie, elle répondit simplement « Oui, monsieur, si vous voulez bien me suivre. » Pendant 100 de mètres, ils marchèrent côte à côte. L'étranger, qui semblait la connaître, l'avait regardée avec un bon sourire. Mais comme elle hâtait le pas, cachant son trouble sous un air grave, il se taisait. Elle ouvrit la porte, elle l'introduisit dans la salle en disant « Claude, une visite pour toi !» Il y eut une grande exclamation, les deux hommes étaient déjà dans les bras l'un de l'autre. « Ah, mon vieux Pierre, ah, que tu es gentil d'être venu, et Dubuche !» Au dernier moment, une affaire l'a retenu, il m'a envoyé une dépêche pour que je parte sans lui. « Bon, Je m'y attendais un peu. « Mais te voilà, toi. Ah, tonnerre de Dieu, que je suis content. » Et se tournant vers Christine, qui souriait, gagnée par la joie. « C'est vrai, je ne t'ai pas compté. J'ai rencontré l'autre jour Dubuche, qui se rendait là-haut à la propriété de ces monstres. » Mais il s'interrompit de nouveau pour crier avec un geste fou. « Je perds la tête, décidément. Vous ne vous êtes jamais parlé, et je vous laisse là. Ma chérie, tu vois ce monsieur, c'est mon vieux camarade Pierre Sandoz, que j'aime comme un frère. Et toi, mon brave, je te présente ma femme, et vous allez vous embrasser tous les deux. » Christine se mit à rire franchement, et elle tendit la joue de grand cœur. Tout de suite, Sandoz lui avait plu, avec sa bonhomie, sa solide amitié, l'air de sympathie paternelle dont il la regardait. Une émotion mouilla ses yeux lorsqu'il lui retint les mains entre les siennes, en disant « Vous êtes bien gentil d'aimer Claude, et il faut vous aimer toujours, car c'est encore ce qu'il y a de meilleur. » Puis, se penchant pour baiser le petit qu'elle avait au bras, « Alors en voilà déjà un ?» Le peintre eut un geste vague d'excuse. « Que veux-tu? Ça pousse sans qu'on y songe. » Claude garda Sandoz dans la salle pendant que Christine révolutionnait la maison pour le déjeuner. En deux mots, il lui conta leur histoire, qui elle était, comment il l'avait connue, quelles circonstances les avaient fait se mettre en ménage. Et il parut s'étonner lorsque son ami voulut savoir pourquoi il ne se mariait pas. « Mon Dieu, pourquoi ? Parce qu'il n'en avait même jamais causé, parce qu'elle ne semblait pas y tenir, et qu'il n'en serait certainement ni plus ni moins heureux. Enfin, c'était une chose sans conséquence. « Bon, dit l'autre, moi ça ne me gêne point, tu l'as eu honnête, tu devrais l'épouser. Mais quand elle voudra, mon vieux, bien sûr que je ne songe pas à la planter là avec un enfant. » Ensuite, Sandoz s'émerveilla des études pendues au mur. Ah, le gaillard avait joliment employé son temps. Quelle justesse de ton, quel coup de vrai soleil. Et Claude, qui l'écoutait, ravi, avec des rires d'orgueil, allait le questionner sur les camarades, sur ce qu'ils faisaient tous, lorsque Christine rentra en criant « Venez vite, les œufs sont sur la table !» On déjeuna dans la cuisine, un déjeuner extraordinaire, une friture de goujon après les œufs à la coque, puis le bruit de l'abeille assaisonné en salade avec des pommes de terre et un hareng sort. C'était délicieux. L'odeur forte et appétissante du hareng que Milly avait culbuté sur la braise, la chanson du café qui passait goutte à goutte dans le filtre au coin du fourneau. Et quand le dessert parut, des fraises cueillies à l'instant, un fromage qui sortait de la laiterie d'une voisine, on causa sans fin, les coudes carrément sur la table. À Paris, mon Dieu, à Paris, les camarades ne faisaient rien de bien neuf. Pourtant, dame, ils jouaient des coudes, ils se poussaient à qui se caserait le premier. Naturellement, les absents avaient tort, il était bon d'y être lorsqu'on ne voulait pas se laisser trop oublier. Mais est-ce que le talent n'était pas le talent? Est-ce qu'on n'arrivait pas toujours lorsqu'on en avait la volonté et la force? Ah oui, c'était le rêve, vivre à la campagne et entasser des chefs-d'œuvre, puis un beau jour écraser Paris en ouvrant ses malles. Le soir, lorsque Claude accompagna Sandoz à la gare, ce dernier lui dit « À propos, je comptais te faire une confidence. Je crois que je vais me marier. » Du coup, le peintre éclata de rire. « Un farceur! Je comprends pourquoi tu me sermonnais ce matin. » En attendant le train, ils causèrent encore. Sandoz expliqua ses idées sur le mariage, qu'il considérait bourgeoisement comme la condition même du bon travail, de la besogne réglée solide pour les grands producteurs modernes. La femme dévastatrice, la femme qui tue l'artiste, lui broie le cœur et lui mange le cerveau, était une idée romantique contre laquelle les faits protestaient. Lui d'ailleurs avait le besoin d'une affection gardienne de sa tranquillité, d'un intérieur de tendresse où il pût se cloîtrer afin de consacrer sa vie entière à l'œuvre énorme dont il promenait le rêve. Et il ajoutait que tout dépendait du choix. Il croyait avoir trouvé celle qu'il cherchait, une orpheline, la simple fille de petit commerçant sans un sou, mais belle, intelligente. Depuis 6 mois, après avoir donné sa démission d'employé, il s'était lancé dans le journalisme où il gagnait plus largement sa vie. Il venait d'installer sa mère dans une petite maison des Batignolles. Il y voulait l'existence à trois, 2 femmes pour l'aimer, et lui les reins assez forts pour nourrir tout son monde. « Marie-toi, mon vieux, dit Claude, on doit faire ce que l'on sent. Et adieu, voici ton train. N'oublie pas ta promesse de revenir nous voir. » Sandoz revint très souvent. Il tombait au hasard, quand son journal le lui permettait, libre encore, ne devant se mettre en ménage qu'à l'automne. C'étaient des journées heureuses, des après-midi entiers de confidences, les anciennes volontés de gloire reprises en commun. Un jour, seul avec Claude, dans une île, étendue côte à côte, les yeux perdus au ciel, il lui conta sa vaste ambition. Il se confessa tout haut. « Le journal, vois-tu, ce n'est qu'un terrain de combat. Il faut vivre et il faut se battre pour vivre. Puis, cette gueuse de presse, malgré les dégoûts du métier, est une sacrée puissance. Une arme invincible aux mains d'un gaillard convaincu. Mais si je suis forcé de m'en servir, je n'y vieillirai pas. Ah non, et je tiens mon affaire. Oui, je tiens ce que je cherchais, une machine à crever de travail. Quelque chose où je vais m'engloutir pour n'en pas ressortir peut-être. » Un silence tomba des feuillages immobiles dans la grosse chaleur. Il reprit, d'une voix ralentie, en phrases sans suite. Hein ? Étudier l'homme tel qu'il est, non plus pour le repentir métaphysique, mais l'homme physiologique, déterminé par le milieu, agissant sous le jeu de tous ses organes. N'est-ce pas une farce que cette étude continue et exclusive de la fonction du cerveau, sous le prétexte que le cerveau est l'organe noble ? La pensée, tonnerre de Dieu ! La pensée est le produit du corps entier. Faites donc penser un cerveau tout seul. Voyez donc ce que devient la noblesse du cerveau quand le ventre est malade. Non, c'est l'imbécile. La philosophie n'y est plus, la science n'y est plus. Nous sommes des positivistes, des évolutionnistes. Et nous garderions le mannequin littéraire des temps classiques et nous continuerions à dévider les cheveux emmêlés de la raison pure. Qui dit psychologue dit traître à la vérité. D'ailleurs, physiologie, psychologie, cela ne signifie rien. L'une a pénétré l'autre, toutes deux ne sont qu'une aujourd'hui, le mécanisme de l'homme aboutissant à la somme totale de ses fonctions. Ah, la formule est là. Notre révolution moderne n'a pas d'autre base. C'est la mort fatale de l'antique société. C'est la naissance d'une société nouvelle, et c'est nécessairement la poussée d'un nouvel art dans ce nouveau terrain. Oui, on verra. On verra la littérature qui va germer pour le prochain siècle de science et de démocratie. » Son cri monta, se perdit au fond du ciel immense. Pas un souffle ne passait. Il n'y avait le long des saules que le glissement muet de la rivière. Et il se tourna brusquement vers son compagnon et lui dit dans la face. « Alors j'ai trouvé ce qu'il me fallait à moi. Oh, pas grand-chose. Un petit coin seulement, ce qui suffit pour une vie humaine, même quand on a des ambitions trop vastes. Je vais prendre une famille, et j'en étudierai les membres, un à un, d'où ils viennent, où ils vont, comment ils réagissent les uns sur les autres. Enfin, une humanité en petit, la façon dont l'humanité pousse et se comporte. D'autre part, je mettrai mes bons hommes dans une période historique déterminée, ce qui me donnera le milieu et les circonstances, un morceau d'histoire. Hein ? Tu comprends ? Une série de bouquins, 15-20 bouquins, des épisodes qui se tiendront, tout en ayant chacun son cadre à part. Une suite de romans à me bâtir une maison pour mes vieux jours, s'ils ne m'écrasent pas. » Il retomba sur le dos, il élargit les bras dans l'herbe, parut vouloir entrer dans la terre, riant, plaisantant. « Ah, bonne terre, prends-moi, toi qui es la mère commune, l'unique source de la vie, toi l'éternel, l'immortel, où circule l'âme du monde, cette sève épandue jusque dans les pierres et qui fait des arbres nos grands frères immobiles. Oui, je veux me perdre en toi. C'est toi que je sens là, sous mes membres, m'étreignant et m'enflammant. C'est toi seul qui seras dans mon œuvre comme la force première, le moyen et le but, l'arche immense, où toutes les choses s'animent du souffle de tous les êtres. » Mais, commencé en blague, avec l'enflure de son emphase lyrique, cette invocation s'acheva en un cri de conviction ardente, que faisait trembler une émotion profonde de poète. Et ses yeux se mouillèrent, et pour cacher cet attendrissement, il ajouta d'une voix brutale, avec un vaste geste qui embrassait l'horizon. « Est-ce bête, une âme à chacun de nous, quand il y a cette grande âme ?» Claude n'avait pas bougé, disparu au fond de l'herbe. Après un nouveau silence, il conclut. « Ça y est, mon vieux, crève-les tous, mais tu vas te faire assommer. » « Oh !» dit Sandoz, qui se leva et s'étira. « J'ai les os trop durs, ils se casseront les poignets. Rentrons, je ne veux pas manquer le train. » Christine s'était prise pour lui d'une vive amitié en le voyant droit et robuste dans la vie. Elle osa enfin lui demander un service, celui d'être le parrain de Jacques. Sans doute elle ne mettait plus le pied à l'église, mais à quoi bon laisser ce gamin en dehors de l'usage? Puis, ce qui surtout la décidait, c'était de lui donner un soutien, ce parrain qu'elle sentait si pondéré, si raisonnable, dans les éclats de sa force. Claude s'étonna, consentit avec un haussement d'épaule, et le baptême eut lieu. On trouva une marraine, la fille d'une voisine, Ce fut une fête, on mangea un homard à portée de Paris. Justement, ce jour-là, comme on se séparait, Christine prit Sandoz à part et lui dit, d'une voix suppliante, « Revenez bientôt, n'est-ce pas? Il s'ennuie. » Claude, en effet, tombait dans des tristesses noires. Il abandonnait ses études, sortait seul, rôdait malgré lui devant l'auberge des Faucheurs, à l'endroit où le bac abordait, comme s'il eût toujours compté voir Paris débarquer. Paris le hantait, il y allait chaque mois, en revenait désolé, incapable de travail. L'automne arriva, puis l'hiver, un hiver humide, trempé de boue. Et il le passa dans un engourdissement maussade, amer pour Sandoz lui-même, qui, marié d'octobre, ne pouvait plus faire si souvent le voyage de Bennecourt. Il ne semblait s'éveiller qu'à chacune de ses visites. Il en gardait une excitation pendant une semaine, ne tarissait pas en paroles fiévreuses sur les nouvelles de là-bas. Lui, qui auparavant cachait son regret de Paris, étourdissait maintenant Christine, l'entretenait du matin au soir à propos d'affaires qu'elle ignorait et de gens qu'elle n'avait jamais vus. C'était au coin du feu, lorsque Jacques dormait, des commentaires sans fin. Il se passionnait. Il fallait encore qu'elle donnât son opinion, qu'elle se prononçât dans les histoires. Est-ce que Gagnère n'était pas idiot à s'abrutir avec sa musique, lui qui aurait pu avoir un talent si consciencieux de paysagiste? Maintenant, disait-on, il prenait chez une demoiselle des leçons de piano. À son âge, hein? Qu'en pensait-elle? Une vraie tocade. Et Jory, qui cherchait à se remettre avec Irma Bécaud depuis que celle-ci avait un petit hôtel rue de Moscou. Elle les connaissait, ces deux-là, de bonne rosse, qui faisait la paire, n'est-ce pas? Mais le malin des malins, c'était Fagerolles, auquel il fit ancrer ses quatre vérités quand il le verrait. Comment? Ce lâcheur venait de concourir pour le prix de Rome, qu'il avait raté du reste. Un gaillard qui blaguait l'école, qui parlait de tout démolir. Ah, décidément, la démangeaison du succès, le besoin de passer sur le ventre des camarades et d'être salué par des crétins, poussait à faire de bien grandes saletés. Voyons, elle ne le défendait pas, peut-être. Elle n'était pas si bourgeoise pour le défendre. Et quand elle lui avait dit comme lui, il retombait toujours avec de grands rires nerveux sur la même histoire, qu'il trouvait d'un comique extraordinaire. L'histoire de Mahoudeau et de Chêne, qui avait tué le petit Jabouille, le mari de Mathilde, la terrible herboriste. Oui, tué, un soir que ce cocu phtisique avait une syncope et que tous deux, appelés par la femme, s'étaient mis à le frictionner si dur qu'il leur était resté dans les mains. Alors, si Christine ne s'égayait pas, Claude se levait et disait d'une voix bourrue, « Oh toi, rien ne te fait rire. Allons-nous coucher, ça vaudra mieux. » Il l'adorait encore. Il la possédait avec l'emportement désespéré d'un amant qui demande à l'amour l'oubli de tout, la joie unique. Mais il ne pouvait aller au-delà du baiser. Elle ne suffisait plus. Un autre tourment l'avait repris, invincible. Au printemps, Claude, qui avait juré de ne plus exposer par une affectation de dédain, s'inquiéta beaucoup du salon. Quand il voyait Sandoz, il le questionnait sur les envois des camarades. Le jour de l'ouverture, il y alla, et revint le soir même, frémissant, très sévère. Il n'y avait qu'un buste de Mahoudeau, bien, sans importance. Un petit paysage de Gagnère, reçu dans le tas, était aussi d'une jolie note blonde. Puis, rien d'autre, rien que le tableau de Fagerolles, une actrice devant sa glace, faisant sa figure. Il ne l'avait pas cité d'abord, il en parla ensuite avec des rires indignés. Ce Fagerolles, quel truqueur! Maintenant qu'il avait raté son prix, il ne craignait plus d'exposer. Il lâchait décidément l'école, mais il fallait voir avec quelle adresse, pour quel compromis, une peinture qui jouait l'audace du vrai, sans une seule qualité originale, et ça aurait du succès. Les bourgeois aimaient trop qu'on les chatouillât, en ayant l'air de les bousculer. Ah, comme il était temps qu'un véritable peintre parût dans ce désert morne du salon, au milieu de ces malins et de ces imbéciles. Quelle place à prendre, tonnerre de Dieu! Christine, qui l'écoutait se fâcher, finit par dire en hésitant, « Si tu voulais, nous rentrerions à Paris. » « Qui te parle de ça ? » cria-t-il. « On ne peut causer avec toi sans que tu cherches midi à 14 heures. » 6 semaines plus tard, il apprit une nouvelle qui l'occupa 8 jours. Son ami Dubuche épousait Mademoiselle Régine Margaillan, la fille du propriétaire de la Richaudière. Et c'était une histoire compliquée, dont les détails l'étonnaient et l'égayaient énormément. D'abord, cet animal de Dubuche venait de décrocher une médaille pour un projet de pavillon au milieu d'un parc qu'il avait exposé. Ce qui était déjà très amusant, car le projet, disait-on, a vu d'être remis debout par son patron de Carsonnière, lequel, tranquillement, l'avait fait médailler par le jury qu'il présidait. Ensuite, le comble était que cette récompense attendue avait décidé le mariage. Un joli trafic si maintenant les médailles servaient à caser les bons élèves nécessiteux au sein des familles riches. Le père Margaillant, comme tous les parvenus, rêvait de trouver un gendre qui l'aida, qui lui apporta dans sa partie des diplômes authentiques et d'élégantes redingotes. Et depuis quelque temps, il couvait les yeux ce jeune homme, cet élève de l'école des beaux-arts, dont les notes étaient excellentes, si appliquées, si recommandées par ses maîtres. La médaille l'enthousiasma. Du coup, il donna sa fille, il prit cet associé qui décuplerait les millions en caisse, puisqu'il savait ce qu'il était nécessaire de savoir pour bien bâtir. D'ailleurs, la pauvre Régine, toujours triste, d'une santé chancelante, aurait là un mari bien portant. « Crois-tu, répétait Claude à sa femme, faut-il aimer l'argent pour épouser ce malheureux petit chat écorché ?» Et comme Christine, apitoyée, la défendait, « Mais je ne tape pas sur elle, tant mieux si le mariage ne l'achève pas. Elle est certainement innocente de ce que son maçon de père a eu l'ambition stupide d'épouser une fille de bourgeois et de ce qu'ils l'ont si mal fichu à eux deux. Lui, le sang gâté par des générations d'ivrognes, elle, épuisée, la chair mangée de tous les virus des races finissantes. Ah, une jolie dégringolade au milieu des pièces de 100 sous. Gagnez, gagnez donc des fortunes pour mettre vos foetus dans de l'esprit de vin. » Il tournait à la férocité. Sa femme devait l'étreindre, le garder entre ses bras et le baiser et rire pour qu'il redevînt le bon enfant des premiers jours. Alors, plus calme, il comprenait. Il approuvait les mariages de ses deux vieux compagnons. C'était vrai, pourtant, que tous les trois avaient pris femme, comme la vie était drôle. Une fois encore, l'été s'acheva. Le quatrième qu'il passait à Bennecourt, jamais il ne devait être plus heureux. L'existence leur était douce et à bon compte, au fond de ce village. Depuis qu'ils y habitaient, l'argent ne leur avait pas manqué. Les 1000 francs de rente et les quelques toiles vendues suffisaient à leurs besoins. Même ils faisaient des économies. Ils avaient acheté du linge. De son côté, le petit Jacques, âgé de 2 ans et demi, se trouvait admirablement de la campagne. Du matin au soir, il se traînait dans la terre, en loques et barbouillé, poussant à sa guise, d'une belle santé rougeaude. Souvent, sa mère ne savait plus par quel bout le prendre, pour le nettoyer un peu. Et lorsqu'elle le voyait bien manger, bien dormir, elle ne s'en préoccupait pas autrement. Elle réservait ses tendresses inquiètes pour son autre grand enfant d'artiste, son cher homme, dont les humeurs noires l'emplissaient d'angoisse. Chaque jour, la situation empirait. Ils avaient beau vivre tranquille, sans cause de chagrin aucune, ils n'en glissaient pas moins à une tristesse, un malaise qui se traduisait par une exaspération de toutes les heures. Et c'en était fait, des joies premières de la campagne. Leur barque pourrie, défoncée, avait coulé au fond de la Seine. Du reste, ils n'aimaient même plus l'idée de se servir du canot que les faucheurs mettaient à leur disposition. La rivière les ennuyait. Une paresse leur était venue de ramer. Ils répétaient, sur certains coins délicieux des îles, les exclamations enthousiastes d'autrefois, sans jamais être tentés d'y retourner voir. Même les promenades le long des berges avaient perdu de leur charme. On y était grillé l'été, on s'y enrhumait l'hiver. Et quant au plateau, à ces vastes terres plantées de pommiers qui dominaient le village, elles devenaient comme un pays lointain, quelque chose de trop reculé pour qu'on eût la folie d'y risquer ses jambes. Leur maison aussi les irritait, cette caserne où il fallait manger dans le graillon de la cuisine, où leur chambre était le rendez-vous des 4 vents du ciel. Par un surcroît de malchance, la récolte des abricots avait manqué cette année-là, et les plus beaux des rosiers géants, très vieux, envahis d'une lèpre, étaient morts. Ah, quelle usure mélancolique de l'habitude! Comme l'éternelle nature avait l'air de se faire vieille, dans cette satiété lasse des mêmes horizons. Mais le pire était que, en lui, le peintre se dégoûtait de la contrée, ne trouvant plus un seul motif qui l'enflamma, battant les champs d'un pas morne, ainsi qu'un domaine vide désormais, dont il aurait épuisé la vie sans y laisser l'intérêt d'un arbre ignoré, d'un coup de lumière imprévu. Non, c'était fini, c'était glacé, il ne ferait plus rien de bon dans ce pays de chiens. Octobre arriva, avec son ciel noyé d'eau. Un des premiers soirs de pluie, Claude s'emporta parce que le dîner n'était pas prêt. Il flanqua ses toits de mêlée à la porte, il gifla Jacques qui se roulait dans ses jambes. Alors Christine, pleurante, l'embrassa en disant « Allons-nous-en, oh, retournons à Paris !» Il se dégagea, Il cria d'une voix de colère. « Encore cette histoire ? Jamais. Entends-tu ? Fais-le pour moi, » reprit-elle ardemment. « C'est moi qui te le demande. C'est à moi que tu feras plaisir. Tu t'ennuies donc ici ? Oui, j'y mourrai si nous restons. Et puis je veux que tu travailles. Je sens bien que ta place est là. Ce sera un crime de t'enterrer davantage. Non, laisse-moi. » Il frémissait. Paris l'appelait à l'horizon, le Paris d'hiver qui s'allumait de nouveau. Il y entendait le grand effort des camarades. Il y rentrait pour qu'on ne triomphât pas sans lui, pour devenir le chef, puisque pas un n'avait la force ni l'orgueil de l'être. Et dans cette hallucination, dans le besoin qu'il éprouvait de courir là-bas, il s'obstinait à refuser d'y aller, par une contradiction involontaire qui montait du fond de ses entrailles sans qu'il se l'expliquât lui-même. Était-ce la peur dont tremble la chair des plus braves, le débat sourd du bonheur contre la fatalité du destin ? Écoute, dit violemment Christine, je fais les mâles et je t'emmène. 5 jours plus tard, il partait pour Paris, après avoir tout emballé et tout envoyé au chemin de fer. Claude était déjà sur la route avec le petit Jacques lorsque Christine s'imagina qu'elle oubliait quelque chose. Elle revint seule dans la maison, elle la trouva complètement vide et se mit à pleurer. C'était une sensation d'arrachement, quelque chose d'elle-même qu'elle laissait, sans pouvoir dire quoi. Comme elle serait volontiers restée. Quel ardent désir elle avait de vivre toujours là, elle qui venait d'exiger ce départ, ce retour dans la ville de passion où elle sentait une rivale. Pourtant, elle continuait à chercher ce qui lui manquait. Elle finit par cueillir une rose devant la cuisine, une dernière rose, rouillée par le froid. Puis, elle ferma la porte sur le jardin désert.